sala na baby motema o cheri o na monoko pasi no boye nyongo nini na defy na le banco fula na sili lo lendo cheri o oh lili o na ga La main dans la main, l'amour est le guillet, oh maman.